Bonjour, c'est mercredi, nous sommes le 6 décembre aujourd'hui, voici ma sélection télé. Ce soir, TF1 propose Esprit criminel, comme tous les mercredis à partir de 21h, vous aurez 4 épisodes. Sur France 2, la série On va s'aimer, un peu, beaucoup, 2 épisodes, et juste après la série Nina. Rendez-vous sur Canal avec la Ligue des Champions ce soir, le match Porto-Monaco. Sur M6, La Nouvelle Star. Sur Arte, un film avec Jean-Pierre Bacri, Une femme de ménage. La soirée de l'info sur C8 au programme Noël Gourmand, les produits stars du réveillon. Sur TMC, les American Music Awards avec Willy Papa et l'équipe de Quotidien. Et juste après, le concert de Bruno Mars, le 24K Magic Live at the Apollo. Sur NT1, des épisodes de Joséphine Ange Gardien. Sur France 4, le film Qui casse 2 avec notamment Nicolas Cage, Jim Carrey également dans ce film. Enfin, sur C-Star, ce soir, vous retrouverez 2 documentaires. Un sur Jamel Debbouze et juste après, un documentaire sur Mylène Farmer. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce mercredi.